Chapitre 5e. Cependant, le colonel avait continué de demeurer au Glion sans que rien annonçât qu'il avait l'intention de changer de résidence. Il sortait le matin de bonne heure, son alpenstock ferré à la main, un petit sac sur le dos, les pieds chaussés de bons souliers à semelles épaisses et garnis de gros clous, et il ne rentrait que dans la soirée quand il rentrait. Car il arrivait souvent que ses excursions l'ayant entraîné au loin, il couchait dans un chalet de la montagne ou dans une auberge d'un village éloigné. On ne le voyait guère, et il n'y avait que ceux qui avaient été prévenus par Mademoiselle de Ratinelle qui pouvaient faire attention à lui. Le soir, quand on entendait de gros souliers ferrés résonner dans le corridor, on savait que c'était le colonel Chamberlain qui rentrait. Le matin, en entendant le même pas, on savait qu'il sortait. Ceux qui occupaient les chambres situées sous les siennes entendaient aussi parfois, dans le silence de la nuit, la marche lente et régulière de quelqu'un qui se promenait. Et l'on savait que cette nuit-là, le colonel Chamberlain, ne pouvant rester au lit, avait arpenté son appartement. Enfin, ceux des pensionnaires qui, dans la soirée, allaient respirer le frais sur l'esplanade qui domine le lac, apercevaient souvent, en se retournant vers l'hôtel, une grande ombre accoudée à une fenêtre. C'était le colonel qui restait là à regarder la lune brillant au-dessus des montagnes sombres de la Savoie et frappant les eaux tranquilles du lac de sa lumière argentée. C'étaient là les seuls signes de vie qu'il donna, et souvent même on aurait pu penser qu'il était parti, si l'on n'avait pas vu son valet de chambre promener mélancoliquement, dans le jardin de l'hôtel et dans les prairies environnantes, son ennui et son impatience. « Ce sera donc toujours ainsi », se disait Horace. Mais ce mot, il le prononçait tout bas et lorsqu'il était seul. Car bien qu'il s'ennuyât terriblement au Glion, et qu'il regrettât Paris au point d'en perdre l'appétit, il respectait trop la douleur de son maître pour se permettre une seule question sur ce séjour prolongé, ou même la plus légère allusion. S'il avait pu seulement écrire à Paris, au moins il aurait ainsi expliqué son absence, qui devait paraître incompréhensible. Que devait-on penser de lui? Il avait la religion de sa parole, et c'était pour lui un vrai chagrin d'y manquer. À vrai dire, même, c'était sa grande inquiétude, car de croire qu'on pouvait l'oublier ou le remplacer, il ne le craignait pas. Un jour qu'il avait été s'asseoir sur la route qui monte de Montreux au Glion, à l'entrée d'une grotte tapissée de fougères qui se trouve à l'un des détours de cette route, il vit venir lentement au pas une calèche portant trois personnes, deux dames assises sur le siège de derrière, un monsieur placé sur le siège de devant. Et tout en regardant cette calèche qui s'avançait cas un cas, il se dit que les voyageurs qu'elle apportait allaient être bien désappointés en arrivant, car il n'y avait pas d'appartement libre en ce moment à l'hôtel. Ah, comme il eût volontiers cédé sa chambre et celle de son maître à ses voyageurs, à condition qu'il lui aurait offert leur calèche pour descendre à la station où ils se seraient embarqués pour Paris. Et de nouveau, il avait recommencé ses lamentations en même temps que ses malédictions contre la Suisse. Quel pays, bon Dieu! Cependant, la voiture avait continué de monter la côte et elle s'était rapprochée. Tout à coup, il se frotta les yeux comme pour mieux voir. L'une des deux dames était vieille, avec des cheveux gris et une figure jaune. L'autre était jeune, avec des cheveux noirs et un teint éblouissant, qui renvoyait les rayons de la lumière. Était-ce possible? Il semblait que ces deux femmes fussent la comtesse Belmonte et sa fille, la belle Carmelita. Il s'était avancé sur le bord de la route pour mieux regarder au-dessous de lui. Mais à ce moment, la voiture était arrivée à l'un des tournants du chemin, et brusquement les deux dames, qu'il voyait de face, ne furent plus visibles pour lui que de dos. Seulement, par une juste compensation de cette déception, le monsieur qui leur faisait vis-à-vis devint visible de face. C'était un homme de grande taille, avec une barbe noire, mais cette barbe était tout ce qu'on pouvait voir de son visage, car, en regardant d'en haut, l'œil était arrêté par les rebords de son chapeau qui le couvrait jusqu'à la bouche. À un certain moment, il releva la tête vers le sommet de la montagne et Horace le vit alors en face. Il n'y avait pas d'erreur possible. C'était le prince Mazzazzoli accompagnant sa sœur et sa nièce. Pendant que la voiture avançait, Horace se demanda quel effet cette arrivée allait produire sur son maître. Quelle heureuse diversion, cependant, pour jeter dans leur vie la belle italienne, si le colonel voulait bien ne pas se sauver au loin comme un sauvage. N'était-ce pas à peu près cela qu'Horace souhaitait, alors qu'il ne pouvait pas prévoir la prochaine arrivée du prince Mazzazzoli et de sa nièce. C'était la bonne chance qui les envoyait. Quel malheur qu'il n'eût pas de chambre libre en ce moment à l'hôtel de Rigivaudois. Ces deux pensées contraires s'étaient présentées en même temps à son esprit. Et pendant qu'il cherchait à arranger les choses pour le mieux, c'est-à-dire à trouver un moyen de garder le prince et sa nièce, la calèche était arrivée vis-à-vis de la grotte. En se retournant pour voir cette grotte que le cocher lui désignait du bout de son fouet, comme une curiosité du pays, le prince Mazzazzoli aperçut Horace et aussitôt, levant les deux bras au ciel dans un mouvement de stupéfaction, il cria au cocher d'arrêter. « Comment ? Vous ici, Horace ?» s'écria le prince en se penchant en avant. Horace s'était avancé. « Est-ce que le colonel est en Suisse ?» demanda la comtesse Belmonte.